بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement ? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. كلا سيعلمون. Eh bien non, ils sauront bientôt. ثم كلا سيعلمون. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. ألم نجعل الأرض مهادا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche ? والجبال أوتادا. Et placé les montagnes comme des piquets. وخلقناكم أزواجا. Nous vous avons créé en couple. وجعلنا نومكم سباتا. Et désigné votre sommeil pour votre repos. وجعلنا الليل لباسا. Et fait de la nuit un vêtement. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا et assigné le jour pour les affaires de la vie وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Et fait descendre des nuées une eau abondante. لنخرج به حبا ونباتا. Pour faire pousser par elle grains et plantes. وجنات ألفافا. Et jardin luxuriant. Inna yawmal fasli kana miqata. Le jour de la décision, du jugement, a son terme fixé. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupe. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Et le ciel sera ouvert et présentera des portes. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. إن جهنم كانت مرصادا. L'enfer demeure aux aguets. للطاغين مآبا. Refuge pour les transgresseurs. لابثين فيها أحقابا. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. إلا حميما وغساقا. Hormis une eau bouillante et un pu. جزاء وفاقا. Comme rétribution équitable. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. وكذبوا بآياتنا كذابا. Et traitaient de mensonges continuellement nos versets. وكل شيء أحصيناه كتابا. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.